D-E-X, le chat, vaudou, D-O-N. Sors pas le gun, si tu dégages l'odeur d'agneau. Ceux qui ont le fat gun, penche, balance, rotez, esquisse ou aiguise bien ta lame. Si tu tranches pour de vrai, pointe pas ton arme. Si dans le barillet y'a des crèches, dis parfois que les faits divers. J'ai l'atmosphère, le côté hiver des choses, c'est que t'as le sang-froid gangster. 9 mm, tu dis, j'pense que t'as un grenaille, tu blagues pas maudit. Face aux dates, je crois que t'es taille. Les jeunes pensent qu'ils sont ça faux, ils sont ceci. Tu dis, c'est qu'elles sont ça haut. C'est toi le messie, first class pour les meufs. Et leur libido, fausse classe, juste pour la teuf, et fumer le pédo, je crasse les faux, sage soutien, l'original, je hache mes mots, crash de l'abdominal, puissance 6 pour le vrai hip hop, je représente tous les 306, t'étonnes pas si on te hante. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, de flingue, de risque, de frime, et disent qu'ils sont dingues, mais ne prennent de risques sur leur disque. Faut que tu nous respectes, arrête de mentir, petit incorrect. Tu croyais t'en sortir et vendre, pour l'instant t'es qu'un fou, on va te prendre. Des histoires de fous, nous on s'en branle. Tu rappes, tu dis qu'il n'y a pas de taf, qu'il n'y a pas de mic, avec des mafieux, mais des guns sans feu, des mecs nerveux, des gangsters en toc. Si je les envie, eux, des mythomanes en sortent, je les extermine, eux, une bonne panoplie de tocards. Je te le rappelle dans tes textes, tu parles de bicrave, mais t'as pas le potentiel. Et les potes de ta tête savent que tu mens, c'est grave. On sait que tu taffes, baffes comme un chien au McDo. C'est comme ça que t'as acheté la chaîne et le buson que t'as sur le dos. Oublions, t'es plein de ragots. Tu joues les speed, mais t'es qu'un escargot. Travaille, petit travail, au lieu de jouer les fausses cailles. Car pour l'instant, c'est